Chapitre 11e, l'amateur de Quetsch. Paulin Broquet ensuite roula une cigarette, l'alluma, et tout en fumant, il se mit à marcher dans son cabinet, se grattant le menton comme chaque fois que sa pensée était fortement saisie. Gabriel, assis dans un coin de bureau, regardait faire son chef, attendant qu'il lui parlât, et voulut lui faire connaître ce qui en ce moment bouillonnait dans sa cervelle. Tout en continuant sa promenade, Paulin Broquet, à mi-voix, comme se parlant à lui-même, dit enfin « À cette époque, cette jolie femme était chanteuse russe à Monte-Carlo. Elle s'appelait Sonia Sperovnia. » Coupant alors brusquement sa promenade de long en long dans son bureau, il bondit vers une grande armoire normande qui occupait le fond de la pièce. Cette armoire, chef-d'œuvre datant de 2 siècles, avait été absolument respectée, quant à l'extérieur, et rien ne pouvait révéler qu'elle avait reçu, à l'intérieur, une armature de plaques de fer qui la rendait, pour ainsi dire, inviolable. Dans cette vaste armoire, Paulin Broquet classait les dossiers qui lui semblaient mériter cette faveur, les affaires curieuses ou à suivre. Il prit sur un des rayons un cartonnier portant dans un cartouche la lettre S. Il fouilla dans les divers papiers que ce cartonnier contenait et en tira quelques feuilles reliées par une agrafe de cuivre. « Voilà, » dit-il à Gabriel, les documents concernant cette affaire de Toulon. Je les ai gardés parce que je me doutais qu'un jour je devais fatalement retrouver cette femme. Voilà d'elle quelques photographies faites à Toulon par son amant l'officier. Il n'y a pas d'erreur possible, c'est elle. Regarde, Gabriel. Oui, chef, c'est bien elle. C'est elle. Sonia Sperovnia, dit ma fiche, se donne comme russe, a fourni des papiers l'attestant. Impossible de les contrôler. À mon avis, elle est plutôt polonaise, probablement allemande, peut-être viennoise. Jolie, intelligente, fine, dangereuse, aventurière, voleuse ou espionne, à suivre. Paulin Broquet remit le dossier en place, ferma l'armoire normande. « Bon, fit-il, nous allons suivre. » Il gagna ensuite son fauteuil et s'y assit confortablement. Puis au bout d'un moment, il reprit. « Ce n'est pas seulement, mon garçon, dit-il à Gabriel, parce que grâce au cadeau du bâtonnier perroquet, nous avions une journée de repos, ni pour le simple désir de voir voler des aéroplanes ou d'entendre des coups de canon que je vous ai amenés à Versailles. La mort, c'est toi. Je m'en doute bien, chef. Je voulais éclaircir certains points douteux, déchiffrer une énigme. C'est fait, chef. C'est fait, mon garçon, tu vas voir ça. » Dans l'un des tiroirs de son bureau, il prit une volumineuse serviette de cuir serrée par des courroies. Il la plaça devant lui, sur la table, l'ouvrit et en tira divers papiers. Ce sont les documents que j'ai sauvés du feu chez Schmitt, que j'ai emportés dans la serviette mouillée. Parmi eux se trouvait la pellicule du traité des Dardanelles. Il feuilleta, disant encore. Il y a là-dedans pas mal de documents, dont la plupart, il faut le reconnaître, ne me semblent pas de très grande importance. Certainement, ils ont pris soin de détruire au fur et à mesure tout ce qui offrait un réel intérêt, ce qui pouvait devenir compromettant par la suite. C'était de la simple prudence. Les bons documents ont été utilisés. Ceux-ci ne sont plus que des répliques, des notes ou des rappels. Cependant, voici un, ce bout de papier, qui, depuis que je le tiens, m'a fortement intrigué. Paulin Broquet mit sous les yeux de Gabriel un fragment de lettre contenant 2 lignes soulignées au crayon bleu, et à haute voix, il lut les mots allemands et les traduisit en français ainsi. « Il faut, avant les Japs, avoir le DR. » Et il demanda à son lieutenant « Voyons si ta perspicacité t'amène au même point que moi. » Les Japs, commença Gabriel, signifient à n'en pas douter les Japonais. Je le crois, mais DR. En attendant la venue de l'amorce, tu pourrais t'amuser à deviner ce que veulent dire ces 2 lettres. Chef, répondit Gabriel, si vous avez mis plusieurs jours à le découvrir, vous n'espérez pas que moi, en quelques instants, j'y parviendrai. Paulin Broquet sourit et dit, écoute alors. J'ai eu la patience de chercher dans un dictionnaire allemand, parmi les mots commençant par D et par R, les mots qui pourraient m'ouvrir la voie. Je n'ai rien trouvé qui, vraisemblablement, puisse se rapporter à quelque chose susceptible de faire, pour sa possession, entrer en lutte avec les Japonais. J'ai alors cherché leur signification en français. Mes chefs, vous avez entrepris un travail fantastique. Un jeu de patience, plutôt. Un champ de suppositions vaste. Pour ainsi dire, illimité, s'ouvrit devant vous. Tout autre que vous, vraiment, eût été effrayé, et vous avez trouvé. Je ne me donne pas pour sorcier. Comment pourrais-je jamais, pensais-je au début, trouver ce que vraiment désignait D et R? Souriant, le détective ajouta. J'ai eu un moment la pensée de m'adresser à une somnambule, à un médium spirit ou à une liseuse de mare de café. Vous aviez chef, en dernière ressource, la fameuse sorcière algérienne dont Sidi nous parle parfois, la tia Tomasa, et sa nièce Donna, la bossue. Sans doute. Mais voilà que si en allemand je ne voyais rien, en français je trouvais trop. Le choix maintenant m'embarrassait. Oui, chef. D pouvait signifier docteur, directeur, il y a mille choses commençant par D. Député, par exemple. Je me suis un moment arrêté à cette idée. R, dans ce cas, était un nom de député, ou la qualité de républicain, ou de réactionnaire, ou de révolutionnaire, ou de député rebelle aux offres. Mais je me suis dit qu'avant de m'attacher à rechercher à qui, dans le Parlement, ces deux lettres pouvaient s'appliquer, je devais chercher ailleurs. Mon système de déduction m'a conduit à ceci. Tu m'écoutes, tu me suis. Oui, chef. Paulin Broca reprit. Il s'agissait en l'espèce, comme on dit au palais, du dénommé Schmitt. Or, Schmitt était employé à la Manufacture nationale des poudres de Puteaux. Il se pouvait en effet, chef, qu'on voulût désigner par les lettres DR une nouvelle poudre, comme les autres le sont déjà par des lettres ou des chiffres. C'était vraisemblable, en effet. Je me suis enquis. Aucune poudre ne portait cette appellation. Il fallait donc chercher autre chose qui, en dehors de la poudre, entra dans le ressort, fut de la compétence de Schmitt. Je me suis dit que Schmitt était aussi photographe, qu'il allait le dimanche avec cette brave Madame Benoît et le chien Fritz photographier à la campagne sa fiancée, cette malheureuse Fernande. Je me suis dit que chaque portrait de Fernande comportait un point stratégique, une course en aéroplane, une manœuvre d'artillerie. C'est de ce côté que j'ai dirigé mes recherches. Et j'ai trouvé. Il est question de canon. De canon? Ah, chef. Alors c'est pour ça que vous nous avez emmenés aujourd'hui au camp de Satori, où l'on faisait des exercices, où l'on essayait une nouvelle invention qui double, paraît-il, la puissance de notre artillerie. Le détonateur est Milo, dit Paulin Broquet. Le DR. Gabriel sursauta. Ah, chef, une fois de plus, je vous admire. Le détonateur est Milo, reprit Paulin Broquet, dont les essais devaient être surveillés, dirigés par le colonel de Fongrive. Et Paulin Broquet, élevant la voix, s'échauffant, s'énervant, ce qui lui arrivait rarement, ajouta. Aussi, tu l'as vu, ils étaient tous là. Tous ceux qui espèrent se ruer à la curée de cette nouvelle floraison du génie français. Ils étaient là, à l'affût, ayant mis devant leurs grosses lunettes d'aluminium doré, les jumelles à prisme. Ils épiaient, ils suivaient les moindres mouvements des artilleurs, comptant sur l'inattention, l'oubli, la faiblesse ou notre insouciance française. Cette affabilité, cette confiance, qui devinaient des fautes, ils les attendaient. On eût dit de ces chacals faisant escorte aux caravanes, ou des loups de Sibérie suivant les traîneaux par les steppes glacées, prêts à dévorer qui s'éloignent, qui tombent. Tapant du poing sur le bureau, Paulin Broquet s'écria. Et ils étaient là aussi, les Japs. Que nous heurtons, nous, à tout bout de champ, et qu'ils veulent, eux, devancer dans la possession du DR. Quelques minutes de silence succédèrent à cet accès de colère. Paulin Broquet se ressaisit et reprit sa marche dans son bureau, d'un pas cependant encore très nerveux. Tout à coup, on frappa distinctement à la porte. « C'est l'amorce, » dit le détective. Et il cria « Entre, mon garçon !» C'était en effet son second qui revenait. « Ça y est, chef, » dit l'amorce sur le pas de la porte. « La femme, c'est Madame Garitsa, appartenant à la bonne société russe, qui, par suite de malheurs de famille, est obligée de donner des leçons de musique. Le colonel... »« C'est le colonel de Fongrive, » interrompit Paulin Broquet. « Oui, chef. Continue. » Madame Garitsa est sa maîtresse? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas au juste. Madame Garitsa vient souvent, presque tous les jours, chez le colonel. Elle y est comme chez elle, mais jamais elle n'y passe la nuit. Ils font de la musique ensemble. Le colonel est très bon pour elle. Il la traite de façon charmante, respectueuse. On dit qu'il en est très amoureux, qu'il tient à l'épouser. Et elle, très amoureuse du colonel, ne demande qu'à devenir sa femme. C'est bien, c'est bien. Dit brusquement Paulin Broquet. « Ça suffit. » Il passa dans une pièce à côté et quelques instants après en sortait, tenant à la main, un assez volumineux paquet. « Descends ça dans l'auto, » fit-il à l'amorce. Puis à Gabriel, il dit « Vous viendrez ce soir veiller autour de la maison de la Garitsa avec quelques hommes. Camouflés, bien entendu. Il y aura certainement des aides. À quelle heure, chef ? Sidi vous le dira dans un moment. le signe de reconnaissance pour nous, faire de la main droite comme si on enfonçait son chapeau sur la tête. Paulin Broquet indiqua le geste qui, tout naturel, tout simple, devait forcément passer inaperçu de qui n'était pas prévenu. Puis le détective, suivi de Gabriel, quitta son appartement. Sur le trottoir, les deux lieutenants, que le chef n'emmenait pas avec lui cette fois, prirent rendez-vous pour ce soir avec Sidi et se rendirent à la sûreté voir s'il n'y avait rien de nouveau. Paulin Broquet se fit conduire par Sidi chez le capitaine Malter. Quand il sortit de la voiture, qu'il fit arrêter d'ailleurs assez loin de la maison, ce fut un bon et brave militaire qui apparut, figure brûlée par le grand air, dans laquelle ressortait très fortement une rude barbiche grise. La grosse et rubiconde Marguerite vint lui ouvrir quand il sonna chez le capitaine. En allemand, avec l'accent d'Alsace, Paulin Broquet demanda à la servante très grandement dévouée à ses maîtres si le capitaine se trouvait chez lui. Marguerite, persuadée qu'elle avait affaire à un compatriote, eut garde de lui dire que le capitaine n'était pas là, et entamant familièrement la conversation, elle conduisit le visiteur jusqu'au bureau du capitaine. Elle entra carrément dans le bureau, s'écriant joyeusement en patois d'Alsace. « C'est un monsieur qui est de chez nous qui vient vous parler. » Paulin Broquet introduit, se donna comme capitaine de cavalerie, arrivant d'Alger, ayant à donner le bonjour de la part de vieux camarades. Le capitaine, enchanté, lui fit le plus cordial accueil, serra affectueusement la main de ce frère d'armes, voulut le retenir à dîner. « Je vais dire à Marguerite, » commença le capitaine Malter en se dirigeant vers la porte. Paulin Broquet le retint. « Voyez d'abord si elle n'écoute pas à la porte. « Que voulez-vous dire ? » s'écria le capitaine Malter, quelque peu étonné. « Deux mots rapidement, je suis Paulin Broquet. » Le capitaine Malter sursauta. « Vous ? » « J'ai une grave communication à vous faire. » Le capitaine Malter alla jusqu'à la porte et l'ouvrit. Marguerite n'était pas là. Il l'appela, sur le conseil du détective, pour savoir où elle était. Marguerite se trouvait dans la cuisine. Le déguisement du détective le garantissait. Marguerite ne l'avait pas même soupçonné. Quand elle parut, s'essuyant la main à son tablier bleu, le capitaine Malter lui dit « Apportez-moi une vieille bouteille de quetsch. » Se tournant vers Paulin Broquet, il ajouta « Ah, mon cher capitaine, vous n'en trouverez pas de meilleur en Alsace. C'est le secret des parents de Marguerite qui font ce nectar. Goûtez-moi ça. » Marguerite, rubiconde plus que de coutume, attendait sans façon que le capitaine, son compatriote, eût goûté au nectar de ses parents et fait connaître son appréciation. Paulin Broquet savoura en connaisseur, puis, en patois d'Alsace, après avoir complimenté le capitaine Malter de posséder une liqueur pareille, il dit quelques mots flatteurs à Marguerite pour ses parents qui la fabriquaient. Sous le plaisir, la flatterie, sa coupe rose ayant doublé pour ainsi dire, Marguerite, qui se tenait en haut du cabinet de travail, près de la porte, tortillant dans ses épaisses mains violettes son tablier bleu, fit mine de se retirer. Paulin Broquet, tout en riant, lui adressa à nouveau ses compliments pour ses parents, était lui aussi un peu remonté, joyeusement, cavalièrement vers la porte, comme pour mieux féliciter Marguerite. « Ah ! » lui dit-il dans son gros rire de vieux militaire, « on dit chez nous, le bonheur attend les enfants qu'on a baptisés au quetsch. Vous êtes de ceux-là. » Il lui donna sur l'épaule, grosse et moite à travers la blouse à pois rouges, une tape familière dont elle se montra particulièrement enchantée. Tout émue, elle baissa sur ses yeux ronds et saillants ses paupières aux cils blancs, comme doit faire toute pure Gretchen quand un Michel quelconque lui parle. Elle se retira, passa enfin de l'autre côté de la porte. Paulin Broquet, riant encore hautement, quand la Gretchen de cuisine, candide, pudique et couperosée, fut de l'autre côté de la porte, sortit vivement de sa poche une carte de visite. Cette carte, il la plaça devant la gorge de la serrure où Le Pen allait entrer. Marguerite tira le battant de la porte. Le Pen rencontra la carte, ne pénétra pas dans la serrure, mais la porte, maintenue de ce côté par Paulin Broquet, demeura cependant comme fermée. La moite Gretchen crut avoir fermé la porte, elle lâcha le bouton de la serrure et s'en alla sur ses gros pieds plats, chaussés de savates informes. Paulin Broquet attendit quelques secondes et tout doucement entrebâilla la porte. Il l'écouta. Puis, il se faufila dans le corridor qui desservait toutes les pièces de l'appartement et glissa ainsi jusqu'à la cuisine. Il put voir que Marguerite, prise par une occupation qui réclamait toute son attention, ne songeait pas à venir écouter aux portes en ce moment. Marguerite, devant qui on avait fait un si bel éloge de la liqueur familiale, voulut sans doute voir par elle-même si ses compliments étaient sincèrement mérités. Elle prit une bouteille de quetsch et s'en versa un grand verre. Cela devait l'occuper quelques instants. Paulin Broquet revint alors dans le bureau du capitaine Malter. « Marguerite, lui dit-il en riant, renouvelle son heureux baptême. Nous n'avons rien à craindre d'elle pour le moment. » Puis, vivement, il ajouta « Capitaine, connaissez-vous le colonel de Fongrive ?»« Le colonel d'artillerie ?»« Beaucoup. » »« Bravo. » »« Alors, capitaine, vous avez un devoir à remplir, une tâche délicate, difficile. » »« Je ferai mon possible. » Le colonel est follement épris d'une jeune femme. Madame Garitsa, c'est connu. Oui, ce qu'il est moins, c'est que cette Madame Garitsa est placée auprès du colonel comme votre Marguerite chez vous. Une espionne? Tout bonnement. Ne vous en étonnez pas. Veuillez me croire, j'ai les preuves irréfutables de ce que j'avance. C'est épouvantable. Oui. Aussi agissons au plus vite. Le colonel est très amoureux. C'est un savant, un homme de chiffres. Il ne comprend rien aux subtilités féminines. Ne lui disons rien de tout cela. Ne lui parlons pas du rôle dangereux de Madame Garitsa. Vous voulez que j'aille le voir? Oui, capitaine. Mais sans toucher, n'est-ce pas, à Madame Garitsa. Vous devez lui faire entendre qu'il court un danger, qu'il doit ne jamais apporter chez lui de pièces importantes, de documents. Dites-lui qu'en ce moment on sait qu'il est chargé du rapport concernant les études faites sur le détonateur Imailo, le DR, que les nations étrangères veulent connaître ce rapport, ce DR, et que les espions ne reculeront devant rien, même l'assassinat, pour obtenir cela. Qu'on sache donc bien que chez lui, il n'a aucune pièce, et que Madame Garitsa ne peut en avoir connaissance. Je comprends. Je sais comment présenter l'affaire, pour que, sans que la susceptibilité du colonel soit éveillée, il n'apporte chez lui aucun document qui puisse passer dans les mains de Madame Garitsa. Voilà. Je lui citerai un exemple, lui dirai ce que je fais maintenant sur vos indications. Parfait. Je ferai cela adroitement, sans même, ajouta en souriant le capitaine, le féliciter d'avoir eu, lui, une charmante Madame Garitsa, tandis que moi, j'ai connu comme espionne cette maritorne de Marguerite. Voulez-vous que je vous en débarrasse? Fit Paulin Broquet en riant. Je devrais l'arrêter. C'est ce que des esprits simples voudraient me voir faire. Mais elle me rend service chez vous, parce qu'elle désigne à mes hommes les compères avec qui elle est en rapport. Puis vous ne laisserez plus traîner à sa portée que des documents sans valeur ou fantastiques. Et Madame Malter, souffrante, ne pourrait se passer de ses soins. Laissons-la donc aller. Nous la tenons à l'œil. Paulin Broquet donna ses dernières instructions au sujet du colonel de Fongrive au capitaine Malter, qui d'ailleurs avait parfaitement compris son rôle, et il prit congé. Le capitaine Malter ne voulut pas perdre de temps. Il descendit peu après le détective et se rendit en toute hâte chez le colonel de Fongrive. Dans le cabinet de travail, le capitaine Malter fit part au savant colonel d'artillerie de sa mission, pendant que dans le salon à côté, la belle Madame Garitsa exerçait sa virtuosité sur le piano. Le colonel fut, on le conçoit, grandement étonné de la démarche inattendue de son frère d'armes. Confiant, loyal, bon, il ne pouvait admettre qu'on fût ainsi à l'affût autour de lui, mais le capitaine Malter lui ayant rappelé les événements qui s'étaient déroulés dans sa maison à lui, et qu'il donna comme dirigé contre lui, pour obtenir des documents en sa possession, le colonel commença par concevoir quelques craintes. Puis, quand le capitaine, très habilement, lui fait entendre que, plus que lui peut-être, Madame Garitsa courait un danger, le colonel se décida à prendre les plus sévères mesures, à suivre les indications du capitaine, à l'imiter dans sa prudence. « Je devrais en effet, dit-il, apporter ces jours-ci chez moi demain peut-être, tout ce dossier concernant le DR, pour faire mon rapport définitif. Eh bien, je ferai ce travail à l'école d'artillerie. Je laisserai là-bas sous bonne garde, bien en secret, ce dossier, et n'apporterai ici que des documents sans importance, depuis longtemps divulgués. » Rassuré, le capitaine Malter retourna chez lui. Avant de regagner ses pénates, il entra dans un bureau de poste et envoya un pneumatique au détective pour lui faire connaître le résultat de son entrevue avec le colonel. Paulin Broquet se frotta les mains. « Bon, se dit-il, ça va très bien jusqu'ici. Ils auront du mal maintenant, les Japs et les autres, à avoir le DR. » Il était à table quand le télégramme lui parvint. Tranquillement, il acheva de dîner, alluma un cigare et alla le fumer dans son cabinet de travail tout en marchant de long en long comme à son habitude. Puis il passa son habit et se rendit dans un théâtre des boulevards. C'est là que l'amorce devait lui faire parvenir les renseignements de la soirée que l'on recueillait autour de la maison du colonel de Fongrive. Le spectacle finissait, le public sortait, quand un ouvreur de portière, un de ces camelots qui vont appeler les autos, chercher un fiacre, s'approcha de lui. Au lieu de soulever sa casquette, le camelot, d'un vif coup de main, sembla l'enfoncer plus fortement sur son crâne. « Une auto, mon prince ?»« Bah !» dit Paulin Broquet. Le camelot se précipita. Quelques secondes après, il revenait sur le marchepied d'une auto ayant toutes les apparences d'un taxi de louage. Mais au volant, sous une barbe très fournie, le détective reconnut le brave Sidi. « Voilà, mon prince !» dit le camelot, ouvrant la portière. Et tout bas, il ajouta, « Sidi vous mettra au courant. » Peu après, Paulin Broquet s'éloignait. Il se penchait à la glace de devant et pouvait parler à Sidi sans que personne n'eût à trouver cela étrange. Par Sidi, Paulin Broquet apprenait que vers 11 heures, le colonel de Fongrive et Madame Garitza avaient cessé de faire de la musique et qu'ils étaient sortis. En ce moment, ils se trouvaient dans un café de la rue Royale. Le colonel buvait de la bière et Madame Garitza savourait une glace. « Bon, » dit Paulin Broquet à Sidi, « mon garçon, conduis-moi dans la rue où demeure Madame Garitza et arrête-moi au bout de cette rue. »